le l'été. Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, tigre adoré, monstre aux airs indolents. Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde, dans tes jupons remplis de ton parfum, ensevelir ma tête endolorie et respirer comme une fleur flétrie le doux relent de mon amour défunt. Je veux dormir, dormir plutôt que vivre, dans un sommeil aussi doux que la mort, j'étalerai mes baisers sans remords sur ton beau corps, poli comme le cuivre. Pour engloutir mes sanglots apaisés, rien ne me vaut l'abîme de ta couche. L'oubli puissant habite sur ta bouche, et le l'été coule dans tes baisers. À mon destin désormais mon délice, j'obéirai comme un prédestiné, martyr docile, innocent condamné, dont la ferveur attise le supplice. Je sucerai, pour noyer ma rancœur, le népenthès et la bonne ciguë, au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur.